Bonsoir et bienvenue dans Gironde Analyse. Ce soir avec moi, j'ai Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir, bonsoir à tous. On va oublier ce qui vient de se passer, d'accord? Oui, il ne s'est rien passé. Ceux qui entendent le podcast ne voient pas s'il ne s'est rien passé, je ne comprends pas. De toute façon, ce sera coupé au montage. Voilà. Oui, voilà. Si on n'a pas la flemme, oui. Avec nous, on a Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir. Effectivement, vous n'avez rien loupé. L'émission vient de commencer il y a 30 secondes seulement, donc vous inquiétez pas. Oui. Il ne s'est rien passé 2 minutes auparavant. Rien. Non, je ne sais pas, je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, ce soir, émission assez courte pour les gens qui viennent. Koh-Lanta, etc. C'est l'apéritif GA avec Koh-Lanta, avant Koh-Lanta, pour les sentiments de trahison, etc., de complot. Eh bien, on l'a déjà au Gironde, pas besoin de Koh-Lanta. Avec nous, je crois qu'il vient de nous rejoindre. On a Cyril qui est parti. Ben, très bien. Cyril qui va nous rejoindre très vite. Voilà, si vous voulez participer de manière audio, discuter avec nous, donner votre avis, votre point de vue, vous le dites dans le chat et on vous met en ligne. Bonsoir Cyril, m'entends-tu ? Bonsoir. Oui, je t'entends, mais c'est juste que je ne sais plus mettre le haut-parleur. Bah c'est... Ah, là, pour l'instant, nous, on t'entend très bien, j'espère ouais, que... Oui, on t'entend bien. Voilà. Vous allez bien ? Oui, la forme. Ah, t'as raté le meilleur début de l'émission, le meilleur depuis qu'on est sur Discord. Même si ça fait pas longtemps, finalement, voilà. On est content, en tout cas, de voir les gens qui nous rejoignent de plus en plus. Ça fait plaisir dans cette période un peu compliquée. Aujourd'hui, donc Cyril, t'as fait le programme. Tu veux nous en dire plus sur le programme ? Ça va être juste des réactions par rapport aux révélations de la semaine, tout simplement. Donc RMC a fait des révélations avec les enquêtes de Daniel Riolo et de l'After. Puis les écoutes, l'Elix des ultramarines. Donc, c'est tout simplement une radio libre ce soir où chacun d'entre nous allons pouvoir donner notre avis. Et on invite tous ceux qui nous écoutent, s'ils veulent réagir et donner leur avis, on est très contents et on sera ravis de pouvoir en discuter avec vous. On a déjà l'idée, sur le chat, Overmars, qui... Bon, c'est une idée, hein, il faut donner vos idées et les avis dessus. Lui qui dit « Il faut se rassembler, personnalités, fans, journalistes, tous les passionnés des Girondins et créer un business plan pour reprendre ce qui nous appartient. » Projet FCGB sur Twitter. Oui, les initiatives sont toutes bonnes à prendre. Business plan, il faut quelques monnaies hein, encore. Hein. Mais c'est vrai que l'initiative, c'est aussi l'idée qu'on se fait des Girondins et cette identité qui commence à se dégrader, si ce n'est... C'est dégradé pour beaucoup. Je vais vous prendre vos réactions. Lucas, ta réaction par rapport à la semaine, les écoutes des ultras, etc. Vite fait, après on rentrera plus dans le détail. Excuse-moi, Adrien, ça a coupé ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu m'as demandé ? Ta réaction par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine. Après, on rentrera dans le détail, mais les écoutes, etc. C'est un désastre, voilà, c'est une horreur. Une horreur dans le sens où, alors on va pas rentrer dans le détail, mais on va dire qu'il y a des choses qui ont été dites, comment dire, lors de ces réunions-là, entre professionnels, entre représentants d'une institution, qui n'auraient jamais dû être dites. Voilà, que ce soit en public, que ce soit en privé, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire quand on tient, comment dire, un rôle aussi important, quand on représente une institution aussi importante, mais pas que dans le paysage du football, d'ailleurs dans le paysage de la ville, dans le paysage de la métropole, dans le patrimoine de cette ville. C'est juste inadmissible, comment dire, de tenir des propos comme ça. Voilà. C'est horrifiant, franchement, d'avoir des personnes comme ça, on va le dire très franc, des personnes qui puissent se permettre de tenir des propos comme ça et et qui en plus, comment dire, n'en ont pas honte, quoi. Pour eux, c'est normal. C'est normal, comment dire, tout va bien, comment dire, mais non, c'est à croire, comment dire, que ça se demandait si un pilote de l'avion, franchement. Voilà, c'est la seule réaction que j'ai par rapport à tout ça. On rentrera dans le détail plus tard, mais en tous les cas, c'est un sentiment horrifiant, quand même. Thomas, toi, ta réaction ? Oui, bah, au moins, ça permet aussi à tout le monde qui doutait encore un peu de ces gens de voir leur vrai visage. Au moins, ça permet de. Là, on rassemble tout le peuple bordelais en faisant ça. Enfin, non, ils nous amènent tout le peuple bordelais du côté de. Enfin, plus de leur côté. Et en plus, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui font, à Ludovico Bragnac, Benoît Tremoulinas, Pierre Ducasse récemment, ou même l'Afterfoot et Team Duga pour leur soutien, parce que faut que tous ces anciens joueurs ou des personnalités comme ça continuent à se mobiliser derrière pour apporter leur soutien aux supporters. Je pense qu'ils sont d'une aide assez importante, pour, que ce soit pour les ultramarines, pour le club en général. Cyril, toi, ta réaction par rapport aux dernières infos qui sont sorties ? Alors, je vais dire que pour la plupart des choses, je n'étais pas forcément surpris. C'est des choses qu'on entendait à droite, à gauche. Nous qui faisions l'émission, Molina nous avait plusieurs fois averti. On avait quand même des bribes et pas mal de choses. J'en avais parlé, moi, du transfert de Kidge, de compagnie, que ça allait créer des problèmes, que c'était... Par contre, la vidéo de hier sur Thiodé et Longuepée qui reconnaît avoir fraudé sur le chômage partiel et, ah oui, en faisant travailler les gens qui sont en congé, là, par contre, je suis tombé, mais alors j'ai pris une claque, mais comme franchement, c'est vraiment mais à gerber. Hier, j'avais vraiment honte d'être girondin. C'est vraiment une honte. Une honte. Ce qui a été fait, c'est... Et comme l'a indiqué Tom, c'est pas une fierté, parce que clairement, tout ce qu'ils font, c'est vraiment de la merde, on le savait, mais on est pas... Enfin, moi, j'étais pas vraiment surpris. Mais là, hier, j'ai pris vraiment le truc, c'était vraiment... Mais c'est plus possible. Là, c'est vraiment la goutte d'eau, c'est... Le coup de l'Espagnol, la coiffeuse, ouais. Les transferts relais, les agents qui se font sortir, la formation bordelaise qui est morte, l'irrespect des anciens employés. Et puis là, c'était la goutte d'eau qui fait déborder l'océan, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus entendable. Et comme tu le dis, en plus, le fait de faire travailler les salariés en chômage partiel, c'est comme l'a très bien dit Digari, c'est quelque chose qui peut amener à de la prison, à 5 ans de prison. Mais attends, en temps de solidarité, c'est-à-dire que tout le monde, pendant cette crise de Covid-là, tous les Français, on était confinés. On était tous, oui. On a vécu une période terrible et on la vit toujours. On a vécu, des entreprises souffrent de ça. C'est-à-dire qu'il y a des petites entreprises, des PME qui ont accès à cette aide-là, ou des fois qui n'ont même pas accès à ça. Et les Girondins de Bordeaux, une boîte qui... Ben, un club de sport qui se vante de truquer sur ça, mais où va le monde ? Mais où on va ? C'est-à-dire que les mecs, déjà, les joueurs de foot, bon, ben, c'est leur salaire, mais ils ont des sommes mirobolantes. Ils refusent de baisser leur salaire. En plus, on a des dirigeants qui truquent dessus. Non, mais là, et moi, c'est plus entendable. Pour moi, qui paie mes impôts, qui suis français, qui ai vécu cette période-là, mais de manière, mais comme nous tous, quoi, on a vécu assez durement. C'est-à-dire qu'on a quand même été enfermés chez nous, on n'a pu rien faire. On est privé de loisirs, même si on reprend petit à petit notre rythme de travail et compagnie, on est quand même privé de loisirs. On peut pas. On nous demande des efforts constamment. Et on entend ça, mais c'est pas possible, c'est pas entendable. Sachant qu'on parle quand même d'un club de football, quoi. Sachant que c'est pas non plus, comment dire, une usine à masques ou voilà, non, c'est. Enfin, que ce soit d'ailleurs, que ce soit au Girondin ou ailleurs, c'est-à-dire dans un club de football ou ailleurs, qui a été fait effectivement à ce niveau-là, c'est très grave. C'est très très grave. C'est comme l'a dit Cyril. Lucas, je ne sais pas si tu as la réaction sous les yeux, vu que tu me l'as lu tout à l'heure, mais il y a John Doe qui l'a mis sur, sur le chat. La réaction de Frédéric Longuepé avec le mail qu'il a envoyé aux salariés. Est-ce que tu l'as encore, Thomas, sous la main? Ah oui, je l'ai encore sous la main. Voilà, si tu peux nous la lire. La lire voilà. Alors, c'est assez long, hein, par contre. Donc, ouais. Chers collaborateurs, vous avez certainement été comme chacun de nous, choqué par les attaques inacceptables dont le club est l'objectif ces derniers jours. Elles sont de toute évidence orchestrées par les ultramarines qui les revendiquent clairement et soutenues par des personnes habituées au scandale et de pseudo-amis du club, probablement déçus de n'y jouer aucun rôle. Ces attaques se développent dans certains médias ou sur les réseaux sociaux et s'appuient sur des témoignages d'agents soi-disant dupés ou sur des enregistrements clandestins réalisés lors des réunions privées en prenant grand soin de sortir les déclarations de leur contexte. Donc, clairement, rien que là. Pourquoi ? Quel serait l'intérêt des ultramarines de sortir les déclarations de leur contexte ? Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est complètement illogique. Même dans le contexte, je veux entendre, comment on peut se vanter dans un contexte de faire travailler des gens alors qu'ils ont des aides de l'État pour le chômage partiel en temps de Covid. Donc là, moi, je veux l'entendre, le contexte. Ils peuvent même pas se défendre sur ça, pour le coup. Non, mais ils ne se défendent pas et c'est pour ça qu'ils ne communiquent pas. La seule communication qui est possible, c'est la communication interne. Mais à part ça, ils ne peuvent pas communiquer. C'est pour ça qu'ils refusent de parler. C'est ça. Donc après, tout cela n'a qu'un seul but, affaiblir et discréditer l'institution du FCGB en attaquant de manière diffamatoire plusieurs de ses collaborateurs. Ne nous y trompons pas, il s'agit d'une entreprise de dénigrement orchestrée sans réel fondement. Je ne saurais l'admettre davantage. J'ai demandé à nos avocats d'examiner tous les éléments à notre disposition pour déterminer les suites judiciaires à mettre en œuvre. Je peux vous assurer que nous ne laisserons rien passer, ni notre actionnaire, ni moi-même n'avons l'intention de nous laisser impressionner ou décourager par des personnes qui refusent depuis le début le dialogue. Leur haine étant de nous diviser au sein du club. Ces attaques volontaires n'ont qu'un seul objectif, saper l'image et le crédit du club qu'elles prétendent défendre. Mais soyez certains d'une chose, nous sommes une équipe, un collectif, et chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour ce club. Je suis certain que toutes les expériences qui font la richesse de nos parcours nous permettent de réussir l'avenir ensemble et unis. On ne lâchera pas. Frédéric Longuepé. Monsieur Longuepé dit que nous sommes une équipe et un collectif, ce mail est adressé seulement aux salariés. Donc cela prouve bien comment les ultras ont pu récupérer ce mail. Il n'y a pas 36 000 solutions. Un salarié a dû envoyer le mail aux ultras. Donc cela prouve bien que les salariés ne forment pas une équipe et un bon collectif aussi avec Longuepé. Évidemment, lui aussi se pose des bonnes questions. Non, mais ne serait-ce que déjà, ce qui est écrit dans ce mail, c'est très grave. C'est très grave ce que dit Monsieur Longuepé. C'est une déclaration de guerre. Concrètement, les termes qu'il emploie, c'est une déclaration de guerre qu'il fait à Longuepé. Une organisation qui n'aime pas le club, une organisation qui veut discréditer, qui veut diviser, etc. Quand il appelle à la réunion, etc., on dirait presque qu'il va à la guerre, Longuepé. Et qu'il s'arme, de son armée d'avocats, là, de je ne sais quoi, pour savoir ce qu'il peut. Mais est-ce qu'il peut se rendre compte quand même des termes qu'il emploie dans son communiqué qui part à la guerre, contre des gens qui soutiennent son institution, justement. Il est en train de rappeler. Ce qu'il est en train de faire, j'ai l'impression, M. Longuepé, c'est de. C'est pas l'institution en tant que telle, j'ai l'impression que les ultras attaquent quand ils dévoilent les vidéos. C'est Anthony Thiodet et Frédéric Longuepé eux-mêmes, pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore la suite de l'X, mais c'est de dénoncer les comportements de ces gens-là. C'est pas de dénoncer l'institution, il faut savoir différencier les choses. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Et les termes qui sont employés dans ce mail aux salariés sont extrêmement choquants. C'est pas possible, en tant que président de club, de tenir des propos comme cela. Encore moins, mais que ce soit dans ce mail-là, d'ailleurs, ou dans les enregistrements, je suis désolé, son numéro de claquette, il va aller le faire où il veut, mais non, il va pas aller le faire devant la LCG. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, encore ? Comment est-ce qu'on peut... Non, mais il n'y a pas que cette phrase, Adrien, il y en a plein d'autres. Même Anthony Thiodet qui dit « je vais siffler à la fin de la récré », ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a en face de nous des gamins qui ne savent pas ce qu'ils font, qui sont immatures, ça veut dire que quoi ? Quand il dit que Ludovic Obraniak, Benoît Tremulinas, etc., ont été manipulés, par... je crois que c'est pas leur attaché de presse, c'est leur chargé de communication, Caroline Thiebaud, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le rôle qu'elle occupe. Voilà. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est des idiots, les mecs, qui sont pas capables d'avoir leurs propres opinions par rapport aux choses. Et puis, alors, le coup du complot, là, avec les banderoles et Sud-Ouest, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut encore une fois tenir des propos comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que ces gens-là dégagent. Il faut que ces gens-là dégagent. En tous les cas, quelles que soient, les manœuvres manigancées par Longue Épée, Thiodé, ses avocats et compagnie, il faut soutenir les ultramarines, encore une fois. Il faut les soutenir. Ce qu'ils ont révélé, c'est la face cachée, la face qu'ils ont voulu nous cacher, le vrai visage de ceux qui dirigent le club au jour d'aujourd'hui. Voilà, ils ont réussi à faire tomber ce masque-là, en prenant des risques, parce qu'on peut s'interroger effectivement sur la légalité des choses, mais en tous les cas, on peut aussi, s'interroger sur la légalité, et sur la moralité, de ce qu'ont fait ces gens-là. Voilà, de ce qu'on fait Anthony Thiodé, de ce qu'on fait, c'est vrai qu'on l'était. Il faut s'interroger dessus, je pense, avant de s'interroger sur la légalité de ce qu'ont fait les ultramarines. En tous les cas, à travers un simple communiqué adressé envers les salariés, on aperçoit bien quand même que ce sont des gens... Non, mais ils savent très bien, je pense que la dernière écoute leur a fait très mal, tout simplement parce qu'à un moment donné, Thiodé dit, on sait qu'ils ont des écoutes, mais il dit ça au moment même où il est enregistré, quoi. C'est-à-dire que c'est hallucinant. C'est-à-dire que quand on y pense... C'est-à-dire qu'ils sont vraiment isolés. Moi, je le prends vraiment comme ça. Alors, c'est certes un coup de pression qu'ils mettent, mais j'ai l'impression qu'ils essaient de renouer les liens avec les gens, sauf qu'ils sont tout seuls. Ils ont tellement écrasé tout le monde qu'il n'y a plus personne avec eux. Cyril, je vais t'interroger sur la phrase que dit Thiodé, ils sont 10 ou 15. On ne va pas essayer 10 ou 15 personnes, en gros, foutre le bordel. Est-ce que ils voient vraiment ce qui se passe ou pas? Ou ils se sont isolés et Non, mais en fait, c'est de la communication. Là, et en fait, ce qu'ils essaient, c'est de convaincre les gens qu'ils ont en face que les ultras, quoi. Voilà, c'est ça. Les ultras, c'est 15 personnes qui manipulent une tribune de 2000. Et que, voilà, c'est la com. Ils disent aux gens, mais par contre, ces 15-là, vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est juste un peu la méthode Coué, tu sais. Enfin, voilà, c'est à un moment donné, mais ils sont dans le déni total. Je pense qu'ils y croient même pas. Ils peuvent pas ne pas y croire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas entendable. En tous les cas, on prend pas le soin, d'envoyer un mail comme ça quand il s'agit de 10 ou 15 personnes. Ouais. Ça, en tous les cas, à mon avis... Mais ils savent très bien. Mais c'est comme les médias qui sont manipulés à un moment donné. Qu'est-ce que Sud-Ouest va être manipulé par les ultras? Qu'est-ce que RMC va être manipulé par les ultras? Mais à un moment donné, ils sont tombés, mais ils sont tombés bas, quoi, tout simplement. Ils sont en train de créer en fait un adversaire et essayer de se solidariser ensemble, de faire un bloc face à un adversaire invisible. Sauf que l'adversaire invisible, il est très visible. Et le problème, c'est que ça prend pas. Ça prend pas parce que c'est pas légitime. Tous les actes qu'ils ont fait avant, ça va à l'encontre même de ce moment-là. Et le propos, notamment de Thiodé, qui aujourd'hui, c'est vrai que ça pique un peu quand sa phrase où il mentionne que son employeur peut. En gros, le virer et le faire avoir sur des mensonges ou autre. Est-ce que on a l'impression que, en plus, on a la nouvelle que le maire actuel de Bordeaux, même si il y a encore les élections à venir, Nicolas Florian, a pris en main un nouveau rendez-vous avec Longue Épée après le rendez-vous qu'il avait eu il y a à peu près deux, trois mois. Et il a appelé Florian Brunet il y a pas longtemps. Aussi. C'est ça. Franchement, si vous y croyez, moi j'y crois plus du tout. À la politique bordelaise, j'y crois pas du tout. À un moment donné, Florian était pour le rachat de ce club. Quand on a lancé des appels au début du King Street Out et compagnie, voilà, et à l'arrivée, il s'est rien passé. Et là, j'ai plus un peu peur qu'il se passe rien parce qu'il veut pas, il veut pas, il veut pas se mouiller. Je pense qu'ils veulent pas se mouiller. Sauf qu'ils vont être obligés de se mouiller parce qu'à un moment donné, les Girondins, ça veut tellement dire de choses pour les Bordelais que le maire de Bordeaux ne peut pas prendre ça en conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Moi, si je vote, si je vais voter au deuxième tour, je voterai pour celui qui a le mieux défendu les Girondins. Je m'en fous de la couleur politique, là, aujourd'hui. Mais moi, ça sera ma principale, ma principale motivation à voter, ça sera ça. Et si aucun de ceux qui sont présents ne défendent le club, ben, j'irai pas voter. Est-ce que, vu qu'il y a trois mois ou deux mois, enfin la dernière réunion qu'il y a eu entre Longue Épée et Nicolas Fleurien, on avait dit clairement hein, à la radio, je me rappelle, il ne peut pas se mouiller à ce moment-là, vu qu'il y avait, il y avait tout un contexte, etc. Maintenant, Il y a un point qui est différent, c'est-à-dire qu'il y a deux mois, Urmic, il ne voulait pas l'entendre parler. Le Girondin, pour lui, c'était abstrait. Là, il est rentré dedans. Donc, à partir du moment où Fleurien à un adversaire qui va commencer à s'intéresser aux Girondins, il est obligé de s'y intéresser. Le problème, c'est qu'il a une casserole au cul, c'est lui qui les a mis. Donc, Oui. Non, mais à un moment donné. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire c'est Juppé. Moi, je me rappelle très bien d'une émission de France 3 où c'était M. Morin, Fleurien Brunet, et puis il me semble que c'était. Il y avait une troisième personne. Nicolas Rouvert et Nicolas Fleurien qui étaient là. Voilà, et Nicolas Fleurien, mais c'était Monsieur Rouvert. Et Monsieur Fleurien, Monsieur Fleurien, il était là, Monsieur le maire. Et puis il défendait bec et ongle le projet américain. Mmh. Oui. Oui, bah après, il peut les en sortir aussi maintenant. Enfin, les en sortir, aider à les en sortir. C'est pas qu'il peut, là, Adrien, c'est qu'il doit. C'est qu'il doit, Nicolas Fleurien doit agir. C'est pas possible, de tels actes. Cyril parlait, ne serait-ce que la quatrième écoute, je crois qu'on entend par rapport au chômage partiel, les congés, etc. Ne serait-ce que ça, c'est pas possible dans quelconque entreprise, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, où vous voulez, C'est pas possible, que dans ton agglomération, on puisse, dans ta métropole, dans ta ville, on puisse, avoir recours à ces choses-là dans une entreprise. C'est juste pas possible. Il faut que le maire agisse, il faut que le maire fasse quelque chose. À mon avis, le maire, la dernière fois, pas cette fois-ci où il a appelé Fleurien, où il a voulu recevoir Longue Épée, je crois que c'était jeudi. Il avait peut-être pas encore les écoutes à sa disposition. Là maintenant il les a, il peut plus se cacher et dire bon, on va regarder ce qui se passe, etc. On a les écoutes en interne, on le sait ce qui se passe, on sait pas encore tout mais on en sait déjà suffisamment. Donc à un moment donné qu'il agisse, monsieur Fleurien, merde, c'est le maire de la ville. Alors je sais pas exactement s'il peut vraiment renvoyer les gens des Girondins de Bordeaux, je pense pas. Mais au moins, qu'il agisse, qu'il montre que Bordeaux fasse partie du patrimoine de sa ville, qu'il montre qu'il s'intéresse quand même au sort de ces pauvres salariés-là, ne serait-ce que pour ses salariés. Même si, Bordeaux aujourd'hui suscite un véritable intérêt populaire de la part des supporters qui l'aiment, évidemment, les supporters aiment les Girondins de Bordeaux, les anciens joueurs aiment les Girondins de Bordeaux, etc., etc. Ne serait-ce que pour ses salariés, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça et de laisser permettre quelque chose comme ça quand on est maire d'une ville. Est-ce que ça ne vous étonne pas, par exemple, Thomas, tu répondras, que King Street ne réagisse pas encore? Enfin, qu'il n'y ait pas eu de réaction, vu que, là, il y a la semaine qui a été où les ultras ont vraiment sorti la plupart de leurs cartes, il en reste encore quelques-unes. Mais il y avait quand même un contexte encore avant. Que c'est pas étonnant de la part de King Street d'avoir, même si les Girondins, c'est qu'une part infime. Moi, ça me surprend pas. De toute façon, je vais être très court. Est-ce qu'on les a déjà entendus? Est-ce qu'on sait vraiment à quoi ils ressemblent, King Street? Est-ce qu'ils ont déjà parlé sur les Girondins de Bordeaux? Est-ce qu'ils ont déjà fait un communiqué sur... On ne les a jamais entendus? C'est juste qu'il y a un dernier Lerman qui est dans l'histoire. C'est ça. Mais pourquoi ils communiqueraient maintenant? On les a jamais entendus. Ça fait un an qu'ils y sont. On les a jamais entendus depuis. Non, mais pas forcément communiquer ou changer de. Après, moi, je vais te dire un truc, Thomas. Il n'y a pas forcément besoin qu'ils communiquent. À un moment donné, tu prends juste des décisions. Le fait de ne pas prendre de décisions, ça veut dire que tu cautionnes. Je suis tout à fait d'accord, oui, ils ont juste à agir. Mais est-ce que ce n'est pas bizarre, parce que là, avec les révélations, etc., bon, le prochain passage à DNCG, on a bon, beaucoup ça va, à faire. La plaquette, et puis c'est bon. Oui, voilà. Où il faut que King Street injecte beaucoup d'argent. King Street, en réagissant pas, risque pas de voir le club qui va couler et derrière qu'il y ait une rétrogradation financière et ils vont perdre pas mal d'argent quand même. Même si c'est qu'une part un film de King Street, mais bon, au niveau, il doit bien avoir des gens à King Street qui s'occupent de ce fonds d'investissement. King Street, de toutes les façons, puisque Thomas, j'espère quand même que King Street est au courant de ce qui se passe. J'espère quand même qu'ils sont au courant parce qu'on ne cite que Daniel Herman. Mais Lucas, il faut rappeler quand même que ces derniers mois, avec ce qui s'est passé cette semaine, s'ils ne sont pas au courant. Ça va au-delà de ça, Cyril. Ils n'ont pas besoin d'aide. Il y a des gens qui travaillent à King Street et qui suivent leur investissement. Non, mais, avec le bruit qu'a fait RMC et les écoutes, ils sont forcément au courant. Mais au-delà des écoutes et de l'émission d'RMC, Cyril, il faut rappeler quand même qu'il y a quelques mois de ça, King Street avait renforcé quand même sa présence au conseil d'administration en ajoutant notamment Niklas Van Daen, Daniel Herman. Après, conseil d'administration, ce n'est pas parce que tu es au conseil d'administration que tu assistes. Non, bien sûr, mais tu te tiens au moins informé, comment dire, puisqu'il n'y a pas que quand même qui en font partie. Je suppose que même si, comment dire, il y a Jean-Louis Trio, il me semble. Voilà, s'ils font pas partie de toutes les réunions, il doit quand même y avoir, j'espère quand même, une communication entre ces gens-là qui représentent l'actionnaire du club et les salariés qui eux participent quand même à l'activité. Moi, je pense que le problème il n'est pas là. Je pense que honnêtement, King Street, pour moi, la donnée sur King Street, elle est très simple. C'est tu réagis, ça veut dire que tu as un minimum de considération pour ce club. Tu réagis pas, ça veut dire que tu n'en as rien à foutre. Point. Moi, ça va pas plus loin que ça. C'est très binaire. Là, pour le coup, je suis très binaire sur ça. C'est-à-dire que là. On a parlé de ceux qui étaient dans les conseils d'administration, etc. Même s'il n'a plus de rôle important dedans, Jean-Louis Trio, il y a Aubraniac qui a demandé à Jean-Louis Trio de réagir. Est-ce que ça peut pas être une des actions en plus, c'est-à-dire que quelqu'un au sein du club, Jean-Louis Trio, il a rien à perdre, de dire clairement les problèmes qu'il y a au sein du club et de la gestion actuelle. Thomas, par exemple. Bah, pour moi, il réagira pas. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Pour moi, je vois pas. Pour moi, il va pas réagir. Les seuls qui peuvent réagir, ce sont les anciens joueurs, là, comme l'a fait Pierre Ducasse hier soir, il me semble, il a fait. Ou les joueurs qui sont attaqués par les joueurs qui sont attaqués ou qui sont mentionnés par dans les enregistrements. Ou même, par exemple, là, le neveu à Claude Bèze qui a réagi. Pour moi, il n'y a que eux qui peuvent réagir. Ouais, mais bon, c'est ça qui fait chier. C'est qu'il faudrait que ça parle, mais ça parle. Il faudrait se mobiliser. Mais le monde du football est comme ça, donc il profite de ça. Pourquoi Trio ne pourrait pas se mobiliser? Au moment où clairement, parce qu'il est bien, il est bien au conseil d'administration. Mais non, mais Trio, il faut Trio, comment dire, enfin. Parce que s'il balance, il perd sa place au conseil d'administration. Oui, enfin, ça se décide pas comme ça. Après, je sais pas quand est-ce qu'a lieu leur assemblée, donc ça se trouve. C'est ça. S'il balance, il va être sorti du club et puis du coup, il pourra plus faire ses petites affaires. Point. Oui, mais non, mais après, est-ce que Trio, comment dire, après les années de présidence qu'il a eu, a vraiment envie, comment dire, de se lancer dans un combat comme celui-là? Aujourd'hui, c'est quand même aussi une personne âgée, je me dis. Puis peut-être Trio, mais n'oubliez pas que Trio envie, est associé à la vente, les gars. Aussi. Bon, on a fait un gros passage sur les écoutes. Maintenant, on va parler des révélations peut-être un peu moins fracassantes, vu qu'on s'en doutait de quelques-unes. On a notamment une nouvelle personne qui arrivait dans l'organigramme des Girondins, une belle coiffeuse espagnole. Non, blague à part. Qu'est-ce que vous en avez pensé des révélations? Bon, les transferts, les problèmes de transfert, on s'en doutait un peu. Après, on a la gestion sous les Man Cissé, son apport par rapport au centre d'information, etc. Cyril, t'en penses quoi des révélations d'RMC? Bon, franchement, c'est très bien que ça soit sur un média national, dans une émission star. Voilà, c'est vraiment le gros point positif, c'est ça. Après, les révélations, moi j'ai passé beaucoup de gueule, franchement... il y a une semaine, c'était sur Cissé, le centre de formation. Donc, c'est des trucs qu'on savait, qu'on sait. Après, c'est très bien que ça soit vu à la face de la France entière et pas forcément du microcosme bordelais. C'est-à-dire que là, que ça sorte un petit peu du Hayan, que ça sorte un petit peu de tout ce qui la se région. Passe de tout ce qui se passe dans le quotidien des Bordelais, parce que mine de rien, ben, on est un peu tous ensemble et on est une communauté assez restreinte. Donc voilà, le fait que ça éclabousse et que ça sorte, c'est très bien. Mais après, moi par exemple, sous les Mantissé, il n'y a rien de surprenant. Comme Molina nous en avait parlé dès le début, c'était à l'époque même avec Varela et compagnie, il nous l'avait dit. Varela, Massia, Cissé, vous avez parlé de ça, Molina. C'était la première émission, c'était il y a 2 ans, quand le club était racheté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ceux qui ont suivi Gironde Analyse, il y a toujours eu ces doutes. Non, c'est des doutes, parce que c'était des bruits, des doutes. Mais là, apparemment, Riolo a des preuves et vraiment quelque chose de solide. Donc, c'est pour ça qu'il en a parlé. Donc, ça change de doute, on passe à certitude. Thomas, t'en as pensé quoi ? Ah ben moi, j'ai trouvé, franchement, j'ai écouté, que ce soit lundi, mardi, mercredi, et à tous les soirs qu'ils ont fait l'émission, l'after. J'étais là, franchement, j'ai trouvé qu'ils en ont plutôt bien parlé. Vraiment bien expliqué le sujet pour les gens qui n'étaient peut-être pas au courant, qui n'ont pas suivi l'information, peut-être des Girondins de Bordeaux. Comme ça, ils se rendent compte quand même à quel point on était. Mais moi, ce qui est plus inquiétant, comme l'a dit Riolo, c'est comment un mec comme Anthony Thiodet peut retrouver du boulot alors que on sait très bien tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il est passé, ou même comme si c'est à Monaco avec tout ce qu'il a fait. Comment des personnes comme ça continuent à trouver un travail dans un club de foot comme les Girondins de Bordeaux? C'est quand même ça qui est assez inquiétant. On en parlait avec Nicolas Jama. D'ailleurs, vous pouvez encore retrouver l'interview en ligne sur Deezer, etc., sur les plateformes d'écoute ou sur archive.org, où il nous disait c'est bien, on peut penser à un nettoyage si on vire Longue Épée, Thiodet, etc., mais finalement on ne peut pas nettoyer, il y aura quand même ces intermédiaires et ces problèmes. Lucas, est-ce que Des intermédiaires parce qu'on le veut bien. Parce qu'à un moment donné, les agents pourris et compagnie, les intermédiaires et compagnie, c'est parce qu'on traîne dans ces milieux-là. Dans les grands clubs, dans les clubs d'avant, comme on était géré avant, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais que quand on le voulait. Quand on veut faire un transfert propre, on est capable de faire un transfert propre. Un agent, il est payé par ça. Il faut le dire, un agent, normalement, sa fonction première, son client, c'est le joueur. C'est la satisfaction du joueur. Si le joueur est satisfait, l'agent est bien rémunéré. Oui, c'est vrai. Non, mais... Donc, faut être clair sur ça, à un moment donné. Alors, Raquel, je ne sais pas quoi, à un moment donné, c'est juste que tu as ramé qui l'a fait rentrer. À un moment, c'est juste ça, c'est-à-dire que... Alors, on en a mis plein la gueule à Massia, on en a mis plein la gueule à Varela et compagnie, mais Ramé est du même acabit. Oui, c'est ça. L'amour du club de Ramé, j'en doute. L'amour de Ramé pour les Girondins, j'en doute. Maintenant, comment quelqu'un qui aime le club peut faire ça? Non, mais... Lucas, vas-y. Déjà, ça, c'est grave. S'il n'est pas capable de baiser autrement que par les Girondins de Bordeaux, mais c'est qu'il se pose des questions. Non, mais déjà, oui, Cyril a raison. Déjà, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ulrich Ramé, c'est quand même pas n'importe qui non plus au Girondins de Bordeaux. Ulrich Ramé, il faut quand même rappeler qui c'est. Il a quand même occupé. T'as Ulrich Ramé, il a viré Carasso. Moi, j'aimerais bien entendre Carasso, là, tu vois. Voilà. Exactement. Il a viré Carasso, puis au-delà de ça, comment dire, il a quand même occupé le poste de, alors à peu de détails près, d'Eduardo Massia. Il a quand même été là en intérim quand il fallait remplacer Willy Sagnol. C'est quand même 520 matchs, comment dire, sous le maillot bordelais. C'est quand même pas rien, Ulrich Ramé. Mais là, il nous a montré l'amour qu'il a pour le club. Voilà, entendre son nom, comment dire, sortir comme ça, comme quoi il s'est fait manipuler, comment dire, par une coiffeuse. Il s'est pas fait manipuler. Il faut arrêter de penser qu'il s'est fait manipuler. Il est manipulé que parce qu'il veut bien. Il l'a fait croquer dans la pomme. Manipuler, comment dire, je sais même pas quel terme employer, c'est juste de la corruption en presque en quelque sorte. Quand il dit manipuler, ça veut dire qu'il est en état de faiblesse et que c'est un peu à l'insu de son plein gré, quoi. C'est pas de sa faute. C'était lui qui voulait faire plaisir, hein, tout simplement. C'est à son insu, mais c'est pas ça. À un moment donné, Ulrich Ramé, il est conscient de ce qu'il faisait. Non, mais bien sûr qu'il était conscient de ce qu'il faisait, mais c'est ce que. Donc voilà, Raquel passe avant les Girondins. Voilà, c'est bien ça, c'est ça que je veux te dire, quoi, si tu veux. C'est que il représente l'institution, c'est quand même une figure de cette institution. Et il privilégie, comment dire, une coiffeuse qu'il connaît depuis je ne sais même pas combien de temps, en tout cas moins que les Girondins, pour, comment dire, lui donner un pouvoir qu'elle n'aurait jamais dû avoir au sein du club. Et pour, comment dire, qui met le club, comment dire, dans une situation juste pas possible, qui met le club dans une situation encore moins possible. Donc là, pour le coup, ils y sont pour rien. Exactement. Alors, on se doutait déjà avant, comment dire, les arrivées de, avant les révélations d'AMC, que les arrivées, notamment. Alors, moi, j'ai du mal à dire son nom. Thibaut Kidje. Et que les transferts de Nahuel Hasselt, il y avait quelque chose de douteux quand même. Molina, il me semble, Romain Molina nous avait parlé, comme je disais Cyril, dans une émission, et je crois pas que c'était le seul à le faire. D'ailleurs, je sais pas si. Alors, je vais pas donner des propos à des personnes qui ne les ont pas tenus, mais il me semble que ce soit pas le seul à en avoir parlé. Enfin, ça reste grave, si tu veux, cette histoire de délivrer des mandats pour vendre des joueurs, comment dire, alors qu'ils sont même pas à même de les avoir. Ça montre que finalement, c'est qu'une histoire, comment dire, de pouvoir, et que finalement, la structure qu'ils représentent, ils en ont strictement rien à foutre. Quel qu'il soit, ils n'en ont rien à foutre. Et des gens comme ça, comment dire, pour moi, n'ont rien à faire au sein des Girondins de Bordeaux. Ils n'ont rien à faire là. Alors, pour déposer le bilan, son bilan financier avant peut-être le vrai dépôt de bilan, à la DNCG, c'était aujourd'hui, je ne sais plus qui c'est qui nous l'a dit dans le réponse le 30 juin. On parle de Ramé et tout ça, et on nous souligne dans le chat, et Souza aussi. Souza, Souza, Massia, Varela, Ramé, Soutissé, tout ça là, mais c'est le même combat. Aussi beau son discours soit-il, il y a quand même 200 000 euros par mois. C'était quelque chose qu'on savait, mais qui a été confirmé par RMC. Donc c'est quelqu'un qui a une prime à la vente des joueurs. C'est-à-dire que, alors, en plus, comme c'est interdit, ils l'ont maquillé en droit d'image. Alors ça, c'est encore plus beau. Ça. Parce que si Riolo a vraiment le truc, il faut aussi qu'il transmette les preuves à la justice. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de verser quelque chose de faux. Mais à un moment donné... Parce que sinon, moi, je me remets derrière les dirigeants bordelais. Tant qu'il n'y a pas d'enquête, ça veut dire qu'on est innocent. On est innocent parce qu'on n'est pas condamné. Attention, apparemment, Sud-Ouest indique que la direction songerait à un dépôt de plainte. Alors bon, contre les ultras, pas contre RMC pour le moment. Est-ce que c'est pas... Pour moi, c'est ça qui me pose le doute. Je me dis, mais quel point tu peux avoir... je sais pas si c'est de la confiance ou être ignorant ou... Attends, Adrien, mais pour toi... Tu captes pas, Adrien, t'entends pas. Ouais. Ah, pardon. Je disais, là c'est mieux. Je disais moi... à quel point tu peux avoir un problème dans ta gestion pour dire je vais poser une plainte et je suis sûr que je vais gagner. Parce que tu poses pas une plainte en pensant que tu vas perdre. Adrien, je te coupe. Est-ce que pour toi, tu penses qu'ils vont vraiment poser la plainte ou c'est sûrement pour faire peur qu'ils font ça? Mais ah non, bien sûr qu'ils vont faire. Non, mais de toute façon, même s'ils la posent, ça prendra du temps, il y aura une enquête et compagnie. Donc de toute façon, ça sera pas immédiat. Ce qu'ils veulent, c'est surtout se défendre au niveau de l'image. Et surtout, le problème, c'est qu'ils vont porter plainte contre qui? Parce que c'est une personne morale qui publie les extraits. Hein. C'est pas une personne morale. Quoi? C'est les ultras qui publient les extraits. C'est pas une personne physique comme Florian Brunet, etc. Niveau juridique, tu t'attaques aux ultras. Et ça va porter quoi en conséquence Adrien, Tu captes, Adrien, à un moment donné, parce que tu parles, mais on va capter un mot sur quatre. Oui, parce que j'ai pas compris. Attends, je vais répéter. Continuez. Non, continuez, j'arrive. Eh, mais faut arrêter. On est déconfiné, Adrien. Tu peux partir du Larzac. Allô ? Tu peux aller dans un endroit où on capte. C'est bon, t'as le droit de sortir. Adrien est parti, je crois. On l'entend plus. Ah, c'est fabuleux. C'est le seul encore qui est caché dans la montagne. Alors, normalement, voilà. Ah, non. Voilà, normalement, vous m'entendez mieux. Ah oui, non, on t'entend mieux. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que le oui, connexion du bled, bienvenue au Médoc, dans le Médoc. ce que je disais, c'est que les Girondins vont porter plainte, mais porter plainte contre qui? Contre les ultras, qui est une personne morale. Ça va amener à quoi? Une amende pour les ultras. S'ils gagnent, déjà, il n'y a rien de sûr. Quel est l'intérêt? Vraiment faire peur? Moi, je pense que honnêtement, si les ultras ont fait ça, c'est qu'ils sont costauds derrière. Les connaissant, ils font rien comme ça. Ils ne vont pas se jeter dans la gueule du loup comme ça. Mmh. Oui, parce qu'on remarque bien que les extraits, c'est publié par les ultras. Vu qu'on nous dit contre Florian Brunet, mais actuellement, il n'y a rien qui permet. Et après, je vais te dire un truc. Le vrai problème, ce n'est pas que les ultras le diffusent. Le vrai problème, c'est que c'est quelqu'un qui a enregistré et qui a enregistré des personnes sans que les personnes soient au courant. À mon avis, moi je connais pas forcément bien la loi, mais il me semble que c'est ça. Mais en aucun cas, vu que les ultras n'étaient pas présents à la réunion, ça ne peut pas être eux. Donc c'est comme une source qui a dévoilé le truc. Non, mais ça c'est impossible à prouver. Qui l'a fait avoir... Non, c'est surtout, est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a aussi... Et puis surtout, je vais vous dire un truc, il me semble, alors là, j'en suis vraiment pas sûr, hein. Mais il me semble que les lanceurs d'alerte, il y a une loi qui les protège. Alors, c'est un peu plus... C'est compliqué, ça veut dire que tu as quand même des cas de lanceurs d'alerte qui se sont fait condamner oui, malgré que t'aies cette loi. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais même... eux ont plus de chances de se faire condamner pour 10 000 choses, notamment le... Comment il s'appelle Monsieur Gomez, qui... où Longue Épée... Thiodé dit qu'il y a... et il s'est fait insulter par Florian Brunet, que c'est lui qui lui l'a rapporté, etc., alors que c'est faux. Il y a beaucoup de cas possibles de diffamation aussi où ils peuvent se porter plainte contre. Alors, Thiodé, après, il faut voir aussi parce que c'est des enregistrements. Alors, est-ce que ça peut faire une preuve tangible vu que c'était à l'insu de Thiodé, etc. Donc, au niveau juridique, ça serait un bordel sans nom. Donc, les Girondins qui veulent les Girondins. Non, mais c'est surtout que ça va être des années de bataille, quoi qu'il arrive. Et que, bon, j'ose espérer que dans des années, ils ne seront plus là. Et puis surtout, il faut bien comprendre une chose. Imaginons, alors on n'y est pas encore, et j'espère qu'on n'en viendra pas là. Les Girondins de Bordeaux déposent plainte. Alors déjà, est-ce qu'ils déposent plainte contre les salariés qui ont enregistré, donc à leur insu, leurs collègues, ou est-ce qu'ils portent plainte contre Florian, ou contre Romain, Laurent, je ne sais pas qui. Ils n'ont rien contre eux. Non, mais c'est surtout, Adrien, c'est surtout que tu te doutes bien que la justice, comment dire, ne va pas avoir que ces extraits-là. Ils vont avoir tous les enregistrements, c'est-à-dire toutes les réunions, j'ose espérer quand même que toutes les bandes-son vont y passer. qu'on comprenne bien que eux, comment dire, puissent comment dire, bien identifier le non, ils feront pas ça, Lucas. Je vais te dire pourquoi. Ben, parce que si, à partir du moment où tu fais ça et que tu écoutes, ça veut dire que les enregistrements, tu les rends valides. Et il y a au moins un cas où ça les mettrait en infraction. C'est le point dur, ça. De toute façon, s'ils reconnaissent que les enregistrements ont vraiment été tenus et compagnie, qu'ils les font donc valider par la cour, ça veut dire que quand tu Odé parle de que les employés ont travaillé sous chômage partiel et compagnie, ça les rendrait vrais. Mais bien donc, sûr, du coup, ils reconnaîtraient une infraction. Mais Cyril, si c'était pas vrai, le club aurait déjà démenti depuis longtemps. Oui, si c'était mais pas c'est vrai, la question, elle n'est pas là. La question, elle est si tu vas au tribunal et que tu fais écouter les bandes. Tu peux pas. Tu peux voilà. Mais ils ont fait forcément des choses. C'est interdit. Même si on va dire qu'ils arrivent en disant c'est sorti du contexte et compagnie, nanani, nanana. Mais cette partie-là, juste ça, juste celle-là, hein. À un moment donné, tu peux le mettre dans tous les contextes que tu veux. Ça reste quand même quelque chose qui est dit et qui est illégal. Et puis surtout, après, comment dire, on va avoir des salariés. Est-ce qu'il a vraiment fait ça, je sais pas. On peut pas savoir. Donc du coup, c'est pour ça que c'est du conditionnel. Mais est-ce qu'il y aura des témoignages des salariés, hein. S'il y a une enquête, ça sera demande aux salariés. Ils demanderont leurs conditions de travail et ils vérifieront s'il y a eu des mails ou autre, parce que. Dire que. Mais des coups de téléphone, passer voilà, des coups de téléphone aux abonnés, compagnie. Non, mais hey, de toutes les façons, ils sont allés beaucoup. Avant, comment dire, que ces enregistrements soient publics. Juridiquement, le club avait déjà franchi certaines limites qu'on aurait pensé infranchissables. Allez chercher les IP, s'il vous plaît. Oui, non, mais ça va. Non, mais Cyril, bien sûr, mais avant, je vous parle avant que les enregistrements soient sortis. L'interdiction comment dire, d'un supporter pour je ne sais plus quoi de stade, la résiliation de l'abonnement, etc. C'était quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé que le club pouvait faire et c'est ce que le club a fait. Donc, moi je pense qu'ils vont vraiment déposer plainte parce que les mecs, de toutes les façons, vont vouloir se défendre, vont vouloir réagir et que c'est peut-être le seul moyen qu'ils ont vraiment aujourd'hui pour éviter. Bon, Lucas, je vais te dire un truc, et là pour le coup, vous qui êtes plus calé que moi en football, mais quel club au monde a porté plainte contre ses supporters? Mais est-ce qu'aujourd'hui les Girondins de Bordeaux ressemblent à un club de football sérieux? Non, mais quel club sportif un jour a porté plainte contre ses supporters? Ça a dû exister, mais contre des cas de radicalisation. Là, tu dis, même tu attaques les ultras en justice, mais le mouvement King Street House. Mais ils disent pas forcément que les ultras. C'est ça, qu'ils peuvent très bien nous attaquer à nous, ils peuvent très bien attaquer. Girondin Forever, Girondin 33, tous ceux qui ont été actifs. Mais franchement, ils ont rien. C'est Bah tiens, qui nous attaque, nous, tiens, en justice, on va voir. Qui sont jamais. Il n'y a que rien. Oui. Mais. Bon, on va enchaîner. Pour vous, vu qu'il y a cette crise, il risque d'y avoir d'autres enregistrements. D'ailleurs, je pense que. Nicolas Florian qui a. Ah, j'ai trouvé, il y avait l'AS Saint-Etienne qui avait porté plainte contre certains de ses supporters, contre le PSG après avoir utilisé certains fumigènes. Mais c'est contre certains, c'est pas contre tous les supporters. Ils n'ont pas porté plainte contre l'association. Voilà. Pas contre l'association des Magic Fans ou des Green Angels. C'est contre certains supporters. Ouais. Nicolas Florian, qui a eu Florian Brunet au téléphone. D'ailleurs, ceux qui se posent la question pourquoi on n'a pas invité Florian Brunet, on ne peut pas et il ne veut pas communiquer. On peut comprendre pour le moment. De toute façon, je vais vous dire un truc. Les ultras, on a une relation de confiance avec eux. Le jour où il souhaitera parler, nul doute qu'à Gironde Analyse, on sera sûrement bien placé. Oui, non, mais ils ont la porte ouverte, de toute façon. On les accueillera tous ce temps qu'ils sont avec du grand plaisir. Et donc Nicolas Florian a sûrement entendu lui toutes les écoutes avant son rendez-vous avec Longue Épée, je pense, vu que s'il y va, il doit être bien armé avec. Je pense que Florian Brunet, pour se défendre, a dû lui envoyer toutes les écoutes. Est-ce que, vu que là on a cette période de crise qui durera, je ne sais pas combien de temps, est-ce que déjà il est possible d'en sortir? Et de deux, quelles seraient les solutions envisageables pour en sortir Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Vas-y, Lucas, si tu veux commencer. Mais la seule solution pour sortir de là, Adrien, c'est qu'on en ait fini avec Antoine Tédé et Fernand Kangepé. Et même Souleymane Cissé, Souleymane Cissé, Edouard Donatien. Pas que Souleymane Cissé, Souza, Edouard Donatien, il aurait cramé. Je les ai cités eux parce que je pensais qu'ils parlaient par rapport aux Ligues et Ultramarines, mais effectivement, c'est tout là, comment dire. Ah non, pardon. Mais oui, que King Street s'en aille, que Florian Brunet, Frédéric Longuepé s'en aille, que Anthony Thiodet s'en aille, ce qui là, comment dire, s'en aille. C'est la seule issue possible. Vous voyez, honnêtement, vous, refaire une saison avec ces gens-là, avec des magouilles comme ça sur des transferts, avec des salariés, comment dire, qui sont en dépression. Posez la question aux salariés, tiens, quelle issue est-ce qu'il y a de possible pour eux? Et ils répondent pas, ils peuvent pas parler. Donc... Non, mais ils répondent pas, ils peuvent pas parler. Mais si ceux qui sont allés voir, il me semble que Florian avait dit qu'il y en avait certains qui étaient allés voir au local du travail. Mais jamais publiquement. On va leur demander en privé ou en interview, surtout en privé, on va leur demander si ce que vous préférez entre vous en aller et vous continuer avec ces gens-là. J'ose espérer quand même, je vais pas parler en nom encore une fois, mais j'ose espérer que je pense que ces gens-là vous diront que il faut qu'ils s'en aillent. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, si tu veux, dans les magouilles permanentes. On peut pas continuer non plus avec des gens qui n'en ont rien à foutre du club. C'est pas possible. La seule solution, comment dire, c'est que ces gens-là s'en aillent pour de bon, qu'on n'en entende plus parler, qu'ils soient condamnés pour leur faute. Que ce soit légalement ou juridiquement, tout ce que vous voulez, et que nous, comment dire, on puisse enfin, comment dire, écrire une page où on va se reconstruire, ça prendra le temps que ça prendra, mais tant qu'ils seront là, comment dire, on pourra rien reconstruire du tout, de toute façon. Donc c'est la seule solution pour que Bordeaux puisse se reconstruire, puisse s'en aille. Thomas, avant de donner ton avis, j'y pense, en fait, la bonne idée aussi, il y en a un qui peut sortir... de son terrier, M6, ils ont qu'à faire un reportage capital présenté par Julien Courbet sur déjà, les matchs. Si de Tamarin pouvait parler, ça serait pas mal. Oui, déjà. Aussi. Ça aussi, c'est une autre personne qui pourrait prendre la parole. Bref, Thomas, toi, pour la suite, comment sortir de cette crise? Ah ben, c'est clair, Lucas, il a tout résumé. Il faut plus qu'on ait tout ce qui est King Street, tout ce qui est Longuepé, tout ce qui est Thiodet, tout ce qui est Mastia, tout ce qui est Cissé. Même Souza, même Ramé, tout cela, je pense qu'il faut vraiment repartir de zéro. Avec ce club, là, c'est tout. Il faut tout revoir. Parce que là, avec tout ce qui s'est passé en un an et demi, c'est du jamais vu, je pense. C'est quand même incroyable. Ce qui est grave, en fait, voilà, c'est-à-dire que même au centre de formation, quoi, c'est. Voilà, c'est ce que disait Riolo. C'est-à-dire que même quelqu'un comme Battiston. Il est mis au placard par rapport à Cissé, compagnie, sur l'équipe de National 3, donc, qui était en National 2 l'année dernière. Donc National 3, on a eu peiné à se maintenir en National 3. Et sur cette équipe-là, il n'y a quasiment que des recrues. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun Bordelais. Le nombre de jeunes Bordelais là, du centre de formation qui vont quitter les Girondins cette année, c'est incroyable. Chaque jour, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. On va mettre des années à s'en remettre. Parce que à la place, on préfère recruter des Cardozo. L'identité des Girondins est en train de, ils sont en train de l'éradiquer. Le centre de formation, il y aura tous ceux qui jouent au club, ils le connaissent pas. C'est pas possible. On va demander à n'importe quel joueur, demander à Klitsch ce qu'il pense de l'année 2014-2015. Oui, je connais pas l'histoire. C'est pas sûr 2016, que 2017, je sais pas, tu sais, l'adieu Lescure, il en a pensé quoi? C'est ça le problème. Il n'y a pas que l'identité du club. Hein. Là, on a pris l'exemple, enfin, Cyril a pris l'exemple du centre de formation. Il n'y a pas que l'identité du club là, qui sont en train de détruire. Hein. Non, il y a toutes les relations autour aussi qui sont en train de détruire. Hein. Que ce soit avec la presse, que ce soit avec la DNCG, que ce soit avec nous, que ce soit avec leurs salariés. Ils sont en train de tout faire. Tout, ils peuvent allumer un feu, ils sont en train de l'allumer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Partout où ces gens-là, on les revoit une mèche. Mais dire, les clubs de la région, ils les font payer. Alors même si ouais, on leur apporte 10 000, 15 000 euros, ça c'est approuvé déjà. Mais déjà, rien que le fait de c'est fou. Enfin, c'est quelque chose. Ils ont tout fait en même temps sans se soucier en fait que ça marche quoi. ils ont lancé mais 10 000 trucs en même temps, sans les moyens. Mais enfin, moi, je me rappelle encore de Bordeaux-Marseille avec Souleymane Diawara. Avec la peinture de Souleymane Diawara pour fêter les... Mais sans déconner, mais c'est fou. Et tout ça, c'est en un an et demi. Oui, oui. Parce qu'il y a aussi, pour ceux qui étaient là pour Bordeaux-Nîmes, la fois où les banderoles n'ont pas pu sortir au stade. C'est dingue. C'est Cyril, il nous reste un quart d'heure encore à peu près. Sur la DNCG, vu que bon, là on a tout ce qui est identitaire, etc. Mais si ça se trouve, bon, déjà la FIFA va peut-être nous interdire 2 ans de recrutement, c'est possible. J'espère pas non plus. Au moins, ça ferait sortir des jeunes du centre de formation. Moi, je vais être très clair. C'est-à-dire que s'il y a un problème comme ça, j'espère bien que le club va se retourner contre la personne qui est responsable. Parce que là, c'est 2 ans d'interdiction de recruter au niveau de la FIFA. Mais avec le déficit qu'on a, ça voudrait dire qu'on vendrait, mais grosso modo, quand c'est un suicide. Là, ça serait terrible pour nous. C'est la fin de tout. Et sur la DNCG, j'ai envie de te dire que faudrait déjà prouver l'utilité de ça, parce que finalement, moi j'ai encore un souvenir, Lille qui était ultra ultra endetté, qui finalement a réussi à passer. J'ai peur qu'on passe quand même, tu vois. Lille, il faut rappeler, Lille à la DNCG, il devait vendre, il me semble, pour 80 millions d'euros, il pourrait comme ça. C'est quand l'entrevue avec la DNCG? Alors, je ne sais pas, mais c'est courant mai. Est-ce que la DNCG a un véritable pouvoir en France actuellement? Elle l'a eu auparavant, mais est-ce qu'elle a le même pouvoir aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. On a eu l'information que la DNCG souhaitait renforcer ses critères pile au bon moment. C'est ce qui est sorti dans les médias. Mais bon, on verra. Je vais pas dire j'espère, parce que ça voudrait dire que pas ce que j'espère, en fait. Parce que est-ce que c'est du malheur que je souhaite à mon club en espérant que derrière ça aille mieux, ou est-ce qu'on s'en sorte en ayant comme possibilité que ça continue? Je sais pas. Franchement, je sais plus. Moi, par contre, ce que je sais, c'est que si on repart sur une saison comme ça sera sans moi. Ouais. C'est-à-dire que si en août, septembre, il y a les mêmes personnages. Ouais, déjà, il va falloir qu'ils règlent le problème des abonnements, parce que bien sûr, je ne ferai pas cadeau de. Il y a quelque chose, il y a quelques trucs qui ont fuité par rapport à ça, d'ailleurs, Cyril. Je m'étais entendu, il y aurait un avoir donc sur la boutique. Il y aurait un avoir pour l'abonnement de l'an prochain. Et la perle, c'est le reste serait un don pour les infirmiers. Ou plutôt, on pourrait dire un don pour les poches de M. Longuepé. Hein. Parce que les dons, en plus, ils peuvent les défiscaliser, compagnie. C'est ça. Donc, le don pour les infirmiers, je pense que ça, c'est surtout pour... la boutique, ça les arrange, parce que finalement, ça leur permet de C'est eux qui gagnent l'argent. Donc voilà. Vous pensez vraiment que que la DNCG, c'est-à-dire que même s'il y a renforcé ses critères, les banques, le fonds d'investissement va vraiment laisser passer ça? Adrien, qu'est-ce que tu poses quoi comme question? Qu'est-ce que tu veux qu'on sache? Déjà, personne n'arrive à les contacter. Alors nous, pauvres bénévoles, supporters du club, comment on peut se mettre dans la tête de King Street? Moi, le seul truc que j'espère, c'est qu'ils sont au courant et qu'ils vont agir. S'ils agissent pas, ça voudra dire qu'ils sont d'accord. Pour moi, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est la seule chose que je peux penser à mon niveau. Mais de toutes les façons, la DNCG est là pour... Alors, je veux pas dire de bêtises. La DNCG, pour moi, elle est là pour évaluer, comment dire, le modèle économique du club. Je sais plus c'est qui avait dit... De toute façon, si King Street fait une lettre comme quoi ils sont garants de la dette ou du déficit, ça sera forcément beaucoup plus dur que sous M6. Parce que M6, eux, à l'époque, ils le transformaient en quelque chose qu'on devait et qui, le jour où ils partaient, ils se feraient rembourser. King Street, s'ils mettent l'argent, ça voudra dire que toutes les ventes vont aller directement dans la poche à King Street. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas bon. Sportivement, bon. De toute façon, on ne pourra pas en gagner de cette situation. Ça se trouve, ça va devenir le leader de la région en termes de football. On verra. Non, mais bon, c'est t'as des blagues de merde. Ça se trouve, c'est un vrai pronostic. Bon. Non. Comment on peut continuer encore? Il n'y a personne qui veut réagir oui, dans le chat. On voit beaucoup de frustration hein, dans le chat. Tout le monde veut. Mais tu sais quoi, on a leur demandé. Hein, qui c'est qui veut réagir? Kix 33. Mais il faut que tu quittes le Larzac, Adrien, sans déconner. Ah, tu m'entends? Il faut que tu viennes dans une cité, dans une région. On entend un mot sur trois, en fait, Adrien. C'est pas possible. Ah, Non, moi, je l'entends bien. Internet, c'est fini, la DSL. Maintenant, il y a la 4G, il y a la 3G, il y a des trucs bien. Je suis tu peux demander un avoir sur le club, au club pour te payer ton abonnement, peut-être. Je vais demander à Fredo. Non, on nous dit dans le chat que le passage à DNCG, c'est entre le 15 mai et le 15 juin. Oui, mais est-ce que ça ne va pas être décalé avec donc, cette crise encore sanitaire? On verra, de toute façon. On ne sait pas. De toute façon, c'est grave, mais honnêtement, hein, au rythme où vont les choses, je ne sais pas si ça va tenir jusqu'au 15 juin. Hein. Non. C'est à coup de scandale tous les jours. Et oui, c'est pas fini. Les leagues ne sont pas terminées des ultras. Oui, et puis la plainte est complète. Mais moi, il y a plein de trucs que je pense que Bordeaux peut encore faire la une. Alors, la chance de dirigeant, c'est que hier, Villas-Boas a démissionné, Zubizarreta aussi. Parce que sinon, il faut encore 2 heures sur les Girondins de Bordeaux. Ouais. Bon. Ça, c'est la chance qu'on a eue. Parce que c'est bien beau de parler de nous, de dire la vérité. Mais à un moment donné, c'est aussi. À un moment donné, moi, je suis fier d'être Girondin. En ce moment, la fierté, j'ai du mal à la ressentir. Tu m'étonnes. On peut pas être fier de ce que ces gens-là font. On peut pas être fier du sort qui est accordé à ces salariés. On ne peut pas être fier, comment dire, d'avoir un responsable de billetterie. J'en ai ri aux larmes quand j'ai entendu ça. J'aurais pas dû, mais on peut pas se permettre d'avoir un responsable billetterie qui. Dénonce au complot, comment dire, par rapport à des banderoles, un média qui est quand même Sud-Ouest. On en pense qu'on veut de Sud-Ouest, mais c'est quand même un média, comment dire, qui n'a jamais eu vocation d'instrumentaliser quoi que ce soit. C'est surtout que Sud-Ouest, c'est-à-dire même... que si t'as un média noble à Bordeaux, c'est celui-là. Exactement, c'est un média qui est là depuis X années, qui j'espère sera là pendant X années aussi. On ne peut pas se satisfaire d'avoir un responsable billetterie qui pense, comment dire, que ces gens-là, comment dire, qui mettent en doute, comment dire, l'honnêteté, l'intégrité de ces gens-là. On ne peut pas non plus se satisfaire, comment dire, d'avoir quelqu'un qui recueille les adresses IP des gens, ça se trouve, quand je vous parle, ils ont la mienne, ils ont la vôtre, ils ont celle de je ne sais qui. Ça m'étonnerait. Mais... Non mais on sait jamais. Non mais oui, non mais. C'est, ça m'étonnerait pour Adrien vu qu'il n'a pas internet. Mais. Non mais. On peut encore pas, Telegram. C'est. Non mais on peut pas. Comme Jean-Louis Trio. Non mais on peut pas se satisfaire de ça. On peut pas se satisfaire non plus d'avoir quelqu'un qui trouve une réussite, comment dire. Qui trouve génial un plan qui est de faire payer, comment dire, des clubs amateurs. C'est quand même des clubs de ton terroir, des gens qui sont plus longtemps que là, que tu vas leur dire de payer pour toi, quoi. Pour toi, pour ton club, pour ton institution. Non, mais alors, c'est toi c'est qui même pas les aider à se développer. On peut pas être satisfait un truc pareil. Ce qu'il y a de fou, en fait, c'est que c'est... Ce qu'il y a de fou, c'est que c'est devenu... C'est... c'est pas devenu banal, mais c'est devenu... C'est noyé dans le truc. Oui, mais... Il y a tellement d'informations étonnantes, folles. Et pour eux, c'est normal. Et pour eux, tout est normal. Il n'y a pas de, y a rien d'illégal, il n'y a rien de problématique. On dit tout et n'importe quoi, comment dire, dans notre petit bureau, assis sur notre petite chaise. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le Sud-Ouest, on va dire que c'est un complot. Je ne sais pas qui m'a mis sur haut-parleur, mais. Ouais, enfin bref. Voilà. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des personnes comme ça qui, à la tête, comment dire, d'une institution qui fait d'une si grande institution que sont les Girondins de Bordeaux. C'est pas possible. Globalement, les réactions là, hein, même dans le chat, on en voit quelques-unes. Presque certains espéraient le dépôt de bilan ou à être. Tu sais, le dépôt de bilan, alors, il me semble, alors là, et là, là moi, je n'ai pas fait de finance, donc je ne peux pas. Mais dépôt de bilan, en fait, il y a possibilité que la personne rachète la dette. Bien sûr, bien sûr. Alors non, qu'aujourd'hui, si on veut reprendre le club, il faut racheter donc, le club à King Street et en plus, il y aura la dette. Sachant que selon Thiodé, alors les propos d'Anthony Thiodé n'engagent que lui. Parce qu'il a quand même dit beaucoup de bêtises pendant les années. 120 millions d'euros, ça fait quand même cher. Si en plus tu dois te taper la dette. Non, mais c'est 120 millions d'euros et surtout qu'apparemment, selon lui, le club n'est pas à vendre. Alors, je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour dire ça. J'espère quand même qu'il a eu contact avec King Street avant de sortir un truc pareil. Mais néanmoins, j'en doute. Je sais plus ce que j'allais dire, mais. T'as oublié. Enfin, bon, voilà, j'ai oublié. Non, mais. oui, non, j'ai complètement oublié, donc je vais vous laisser la parole et puis. Vous écouter. Non, mais de toute façon, là, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. On va conclure. Ah, il y a Anthony Thiodé qui nous rejoint dans le groupe. Dans le chat. Bonsoir, Anthony. Anthony très drôle. Merci pour cette blague qui va nous. Voilà. Un peu du baume au cœur sur cette fin d'émission un peu compliquée et sur cette fin de saison un peu compliquée. Juste pour vous donner le sourire, demain il y a une émission donc, sur RMC par Nicolas Jamin donc, sur le titre de 99 et la plus grande bifle au monde qui a été donnée à Marseille en 99 puisque 20 ans après, Roland Courbis a encore la trace. Ouais. Oh là là, yes et ouais, bon, je suis sûr qu'on va les entendre encore rager. Oui, sur Twitter, il y aura la réaction. Oh, même pas, bon. Déjà, ça rage sur Twitter, mais quand même, ils ont quand même une sacrée trace de bite sur la gueule. Ça a dû leur faire bien mal. Bref, tu veux ça comme mot de la fin, Cyril? Ouais, c'est ça. Ouais. au moins, voilà, pensez ouais. À ce que le club a été, et imaginez ce qu'il pourra devenir, en oubliant, en essayant de... Pas d'oublier, parce qu'on peut pas oublier, mais... en essayant de lutter sur le présent. Voilà. Et pendant ce temps, nous avons Wang Weijo qui effectue son service militaire en Corée. Ah oui, donc nous le soutenons. Oui, bon courage. Thomas, comment ça va? Ah ben, bonne chance à Wang Weijo pour son service militaire. Hein. Lucas, comment ça va? Soutenez les ultramarines dans leur combat. Maintenant, vous avez vu, on va pas dire toute la vérité parce qu'il y en a encore qui doit être sorti, mais en tout cas une part du vrai visage. Soutenez-les et arrêtez, comment dire, là, puisqu'il y avait, comment dire, des certaines personnes qui étaient, qui doutaient, comment dire, de ce que pouvaient dire les ultras, de ce que pouvaient dire Florian et compagnie. Maintenant, vous avez vu le vrai visage. Soutenez-les une bonne fois pour toutes. Liguons-nous tous contre ces malotrus qui sont à tête des Girondins de Bordeaux. Et puis surtout, avant les Girondins de Bordeaux, la santé. Donc prenez soin de vous et faites attention à vous et à vos proches avec le Covid-19 qui rôde encore dehors. Voilà. Et bien sûr, King Street out. Hein. Oui, ouais, bien sûr, King Street out. Tiens, on aurait dû prier. D'ailleurs, Lucas, il faudra ressortir la charte. La charte la charte de King Street out. J'étais sur le site Girondins 33, non? Ah, elle n'y est plus? Si, elle doit y être. Si, elle doit y être. Oui, elle y est. Oui, mais il faudra qu'on la regarde. Non, mais parce que nous, elle n'y est plus sur le profil Twitter, elle n'y est plus, elle a disparu. Ah, donc. Bah écoute. Donc, pour tous les gens qui ne l'ont pas lu, ça serait bien de lire. Voilà. On va la republier. C'est Lucas. La republier. Bref. Alors, comme ça, on verra qui y a participé. Ah ben, bon. Oui. Non, je me souviens plus de ce que c'était cette charte, mais oui. Bon, voilà. Et comme le dit, on va conclure sur ça, et comme le dit Anthony Thiodé sur le chat, Bon, je vous laisse parler de votre club. Moi, je vais regarder Koh-Lanta. On vous laisse aller regarder Koh-Lanta. Merci d'avoir participé dans le chat. Et on se retrouve bientôt pour une émission au vu des informations, des interviews qu'on va avoir. Merci Cyril. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci Thomas. Merci, bonne soirée. Hein. Et merci Lucas. Aussi. Merci à vous, bonne soirée. Et tant qu'il est là, profites-en pour ton abonnement. Toi. Et allez les Girondins tant qu'on peut. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. À bientôt.